Le soleil chauffe le banc, le vieux banc solitaire, vêtu des rêves d'antan qu'il célébra naguère. Qu'il était bon le temps où de jeunes marmots escaladaient ce banc, fiers d'arriver en haut. Et puis 10 ans passèrent en oubliant l'âge d'or de ce vieux seigneur de bois qui maintes fois a prouvé qu'il était encore là, utile. De sa mémoire, il ne reste qu'un pâle reflet, fragile. Le vent l'accusa mal. Sur ses pieds fragiles, son cœur sénile, il se sent si banal. Qu'il était bon le temps où de jeunes amoureux venaient de temps en temps parler d'amour heureux. Et puis 10 ans passèrent en oubliant l'âge d'or de ce vieux seigneur de bois qui maintes fois a prouvé qu'il était encore là, utile. De sa mémoire, il ne reste qu'un pâle reflet, fragile. La pluie surenchérit, accusant de son doigt le pauvre décrépit, altérant son vieux bois. Délabré comme sa peine, le pauvre banc s'ennuie, attendant qu'on le prenne et le mène au paradis. Et puis le siècle passa en oubliant l'âge d'or de ce vieux seigneur de bois qui cette fois s'endort au fond d'un bois sous un amas de tuiles. De sa mémoire, il ne reste rien, absolument rien d'utile.